Ici, c'est ta maison. Ici, ton nom est invoqué. Les puissances d'obscurité, des attaques, de fétichisme, de sorcellerie, n'ont pas victoire sur toi. Les liens diaboliques, les programmes démoniaques n'ont pas le dessus dans ta maison. En tant que créature rachetée, serviteur du Dieu créateur, le vivant ressuscité, j'écrase l'attaque démoniaque qui s'est faufilé comme un serpent depuis plus d'une heure pour essayer de prendre le contrôle pour son propre esprit, qu'elle soit neutralisée au nom puissant de Jésus-Christ. Prends le dessus, Seigneur. Ici c'est ta maison, ici c'est ton église, ici c'est ton peuple, ici c'est ton service. Nous croyons au Saint-Rédempteur, Jésus-Christ, l'agneau immolé à Golgotha, pour le salut des pécheurs, prend ta cause en main, et que l'œuvre du Seigneur prospère entre nous. Jésus-Christ, même hier, montre nous ton amour encore une fois, et fais reculer les forces de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, pardonne les péchés de tes enfants. Il y a quelqu'un parmi nous, il y a un péché qui ne devait pas se faire, qui a souillé la maison de Dieu, qui a souillé l'église de Dieu. Nous te prions de pardonner. Feu de Josué, feu de William Branham, feu de Samuel, feu d'Élie, souillez-le même maintenant. La rédemption se trouve auprès de toi. Ne te lasse pas de pardonner. Amen. Prends la cause de ton église. Élève nos esprits dans ton monde. L'humilité frappe nos cœurs. Et la confession des péchés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons confiance que tu es le vainqueur, notre guide, et notre père, et toi qui ramènes le cœur, ils ont failli, pour qu'ils deviennent agréables à toi. Travaille parmi nous, donne gloire à ton nom, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Lise le formalisme, la distraction, toutes les lourdeurs, mais le réveil, mais la flamme d'amour de Dieu, que le cœur soit en feu pour toi. Au nom de Jésus-Christ, guéris chaque maladie, faiblesse parmi nous, changer en force, les pouvoirs de transformer, conduire la prédication, exauce les prières, au nom merveilleux de Jésus-Christ, ici pour toi. Amen. Que Dieu soit loué pour toutes les bonnes choses qu'il peut faire parmi nous. Soyez vigilants. Nous lisons dans Malachie chapitre 4, le verset 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Talangai na kosimbi la bino mosakoli Elia, liboso na kouya na mokolo monene mpe na somo na Yahwe. Akobongo la mitema na batata epai na bana, pe mitema na bana epai na batata, na bango. Ete na yampe na beta mutili ekweli na bete. Luc chapitre 17. Luka mukapu ya zomi na sambo. Le verset 28 à 30. Mwambe, kino tukuni sato. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, vivaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, et une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le Fils de l'homme pour la mikorona lota, baliaki, bamelaki, basombaki, batekaki, baponaki, batongaki, ndemokolo, elongwaki lota, na sodomo, moto na sufulu, na likolo, inokaki mpe, ibomaki, bango yonso. Ekoza la lokola, matambo oyo, na mokolo, ekomonana, mwana na moto. Jude chapitre 1. Le verset 3. Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Balingami awa ezalaki ngai na mposa monene kokomela bino mokanda na ntina na lobiko na biso mpena bino. Namoni ete ekoki na ngai kokomela bino mpona koyikisa bino mpiko ete bobumela mpona bindimeli bipesameli babulami mbala moko mpona libela. Hébreux chapitre 3. Verset 1 à 4. C'est pourquoi faire saint, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Na bongo bandeko, babula mi baoyo, basangani na kubyanga mana likolo, botela Yesu mosema, yento mapenga na monene na biyamboli na biso. Ye ajali sembo epai na ye oyo, aponaki ye na mosala. Mela moko mose na ndako mobimba na ye. Ye wana atanga miete abongi na ntembo koleka mose. Mela moko motongi na ndako aleki ndako mpe na lokumu. Zambi ndako na ndako etongami na moto moko. Nde motongi na yonso ezali nzambe. Adio bénisse la lecture de sa parole. Zambi apambola botanja luba na ye. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus Christ. Vanda na kombo na Yesu Kristo. Bienvenue dans le monde de la foi. Sans la foi, nous ne valons rien devant Dieu. Sans la foi, rien ne peut se faire de consistant. Que Dieu édifie notre foi ce matin. Lui, le grand architecte constructeur, qui a construit toutes choses. Que son nom soit béni. Nous l'aimons. Alors, lorsqu'il y a la Bible a donné une promesse, quand l'ennemi viendra comme un fleuve en colère, l'Esprit de Dieu le mettra en feu. Il faut qu'il y ait des croyants pour expérimenter cela. Les attaques viennent. Dans le domaine spirituel, rien à voir avec le physique, mais spirituel, et il faut terrasser cela. Notre culte de ce matin doit se dérouler sous le témoignage de la victoire. Peut-être quelqu'un ne comprend pas encore, mais je ne peux pas tout expliquer. C'est aussi ça. Je ne peux pas tout expliquer. Il faut que la foi soit en action. Alors, nous poursuivons notre thème de ce matin. Comment éprouver un ministre de la parole? Mais nous avons laissé le thème lui-même un peu tranquille, pour aller de méditation en méditation, que nous savons déjà que le ministère de la parole s'éprouve par la parole elle-même. Les critères nous ont déjà été donnés. Regardez à quoi et comment juger les choses. 5 critères. J'espère que vous vous en rappelez. Mais nous avons pris un peu de temps pour pouvoir nous focaliser un peu sur le ministère promis du temps de la fin. Et nous avons commencé à parler de l'appel de William Branham. et nous sommes allés de la manière dont Dieu nous a conduits, de la pensée de l'appel de William Branham, qui annonçait une œuvre à accomplir quand il serait plus âgé. Là, nous avons cheminé vers l'œuvre du ministère de Jésus-Christ. Et vous voyez la portée de cela dans le plan de Dieu pour le temps dans lequel. Une œuvre grandiose et glorieuse prévue pour cet temps. Alors ce matin, nous voulons méditer sur notre pensée qui a trait avec l'appel de William Branham. Si nous allons parler de la confirmation de l'appel de William Branham. L'appel, c'est que Dieu a eu à parler à ce garçon de 7 ans. On l'a vu démontrer et répéter. Dieu a eu à parler. Mais est-ce que Dieu a-t-il confirmé ce qu'il a dit? Parce que dire une chose, c'est une chose. Mais réunir les éléments de confirmation, c'est une autre chose. Alors, il faudrait que nous puissions comprendre que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Tout homme peut déclarer aussi n'importe quoi. Mais la confirmation, c'est le domaine de Dieu. Dans les sermons, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, prêché le 13 novembre 1957, le prophète Branham dit ceci que vous connaissiez, au paragraphe 75, juste la première partie. Maintenant, un homme peut dire tout ce qu'il veut. Cela ne le confirme pas. Mais quand Dieu vient et dit, c'est vrai, vous pécherez en doutant. Un homme peut se lever. Il peut dire tout ce qui peut lui passer par la tête. Dire cela. Nous sommes libres. Nous sommes formés libres de parler. La liberté de penser, de culte, de consommer à chacun de nous. Donc même dans les états arabes, où l'on a des fois des régimes monolithiques, il existe ce qu'on appelle la charte arabe des droits de l'homme. Donc même là aussi, les droits de l'homme sont reconnus dans les états arabes. Même si vous venez en Afrique où c'est réputé être une charte, un domaine sans foi ni loi, mais il existe une charte africaine des droits de l'homme et des droits des femmes. Donc là-dedans, la liberté d'expression, de penser, c'est concédé. Vous alliez à l'échelle internationale, chaque le 8 décembre, les 10 décembre, le monde entier célèbre la déclaration universelle des droits de l'homme. Il avait été adopté depuis 1948. Donc les droits sont reconnus là, les gens sont libres. Et les gens sont libres. Que vous alliez sur le continent européen. Donc la charte européenne reconnaît les droits des peuples. Ils sont libres, la liberté respectée. Donc un homme peut dire n'importe quoi qu'il veut dire. Mais cela ne le confirme pas. Surtout que vous savez que Dieu a dit dans Romains 3, Dieu au contraire soit tenu pour vrai. Et tout homme considéré comme malheur. Donc un homme se lève, il dit des choses. Un frère se lève, il peut dire des choses. Une soeur se lève, il peut dire des choses. Une église se réveille là-bas, elle dit des choses. Mais cela ne mais si Dieu descend, après que l'homme ait parlé, Dieu confirme la chose, et que vous commencez à douter, vous commettez un péché, le péché de l'incrédulité. Quand Dieu parle, vous n'avez plus le droit de douter. Tu veux dire Amen. Amen. Je lis encore ici dans vous croyez maintenant. Vous croyez maintenant. Une prédication donnée le 17 août 1952. Encore première partie. Eh bien, si quelqu'un est par Christ, il est une nouvelle créature. Branham l'a dit. Et vous savez que la Bible aussi le dit. Donc quand vous entendez Frère Branham, un homme dit ça, on le confirme pas aussi. Mais vous vous souvenez de la Bible? Un autre témoin a eu à écrire la même chose. Et la Bible est la parole de Dieu. Alors, nous devons faire attention. Quand ce que l'homme dit se retrouve être déjà dit dans la parole. C'est juste un perroquet qui répète quelque chose. Par mémoire. Ou est-ce que le même esprit qui avait écrit la Bible et qui voit un homme pour le répéter? Et puis, Dieu a placé dans l'église. Eh bien. Un homme peut témoigner de tout. Mais tant que Dieu ne le confirme pas, et dit que c'est cela, si ce n'est pas ça, vous avez le droit d'en douter. À moins que Dieu confirme que c'est la vérité. Alors, vous n'avez plus le droit de vous aider. Est-ce vrai? Un homme peut témoigner de tout. Oh, Jésus a fait pour moi ceci. Dieu a fait pour notre église. Ils sont libres de parler. Il ne faut pas les en vouloir. Ils sont libres, même humainement, même nationalement, Mais ce qui doit préoccuper les croyants, c'est la confirmation divine. Parce que si Dieu est dans une chose, il y sera jusqu'à la fin. La Bible dit que Dieu ne peut pas se régner lui-même. Il ne peut pas commencer une chose et renier cela. Il ne peut pas renier lui-même. Ce qu'il fait est bien fait. Ce qu'il dit est bien passé. Dieu est responsable de sa parole. Il est responsable de son œuvre. Il est responsable de ses œuvres. Amen. Amen. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Tout le monde peut témoigner de tout, de n'importe quoi. Benoza à William Branham lui-même. Est-ce que ça le concerne aussi? Ce parallélisme que nous faisons entre la déclaration et la confirmation. Est-ce que ça le concerne? Alors nous lisons dans la prédication Dieu dans son peuple. Dieu dans son peuple. Prêché le 27 février 1950. Paragraphe 25. Jésus, à la première partie. Si je vous dis quoi que ce soit, là c'est Branham le concernant. Si je vous dis quoi que ce soit, et que Christ ne le confirme pas, alors ne croyez pas. C'est si sérieux. Il n'est pas là qu'à reprocher les autres, à vous mettre en garde contre les autres, mais ce qui est vrai pour les autres, ou ce qui est vrai contre les autres, est aussi vrai contre lui-même. Il est un humain, un homme de la même nature que vous. Et ceci est valable aussi contre moi. Moi aussi, si je vous dis quoi que ce soit, le Seigneur Dieu ne le confirme pas. Je peux bien être votre pasteur, votre frère bien-aimé, mais ici il s'agit du salut de nos âmes. Nous ne pouvons pas nous montrer léger ni complaisant. Abordons ces choses avec le plus grand sérieux de ça. Si même le frère Branham vous dit quelque chose, que Dieu ne le confirme pas, alors ne le croyez pas. Il s'agit du salut de vos précieuses femmes. Soyez ni fanatiques, ni importés. Soyez le plus sérieux possible. Si je vous dis quoi que ce soit, et que Christ ne le confirme pas, alors ne croyez pas cela. Mais si je vous dis quelque chose, il a fait. Et qu'après il confirme que c'est lui qui l'a fait, alors croyez-le. D'accord? Nous nous mettons d'accord? Nous ne serons jamais des fanatiques. Ni du tabernacle de chrétien, ni du pasteur du tabernacle de chrétien, ni du prophète du centre de la foi, ni de rien. Nous voulons être des croyants. Dieu veut les croyants. Il dit que sans la foi, il est impossible. Et le croyant ne va pas croire n'importe quoi. Le croyant doit croire ce que Dieu a dit. Mais vous regardez les dénominations, les cartes de cela, le club de Kiwani, et le club de Rotarat, parce qu'ils veulent le pouvoir, ou la Rose Croix, la franc-maçonnerie, les Illuminati, n'importe quoi. Ça compte moins pour nous. Mais dans nos âmes, personne, la foi authentique, et la foi authentique, la Bible nous a dit dans Jude, que là est transmise au saint, une foi pour tous. Il n'y a qu'une seule foi, soit vous l'avez, vous ne l'avez pas, vous tournez autour de ce. Vous êtes réellement un croyant. Dans la foi scripturaire. Examinez-vous chacun. Nous nous sommes questionnés le dimanche passé. Autour de Luc 18. Que fera promptement justice à ces élus qui crient à lui sur nous. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La question a été posée. Et l'Esprit nous a demandé de nous éprouver nous-mêmes chacun. De nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Qui a transmis cette foi? Selon les saintes écritures, cette sainte Bible, Jésus-Christ est celui-là qui a transmis cette foi. Dans Hébreux 12, et les hommes balé, il nous a été dit, au verset 2, ayant les yeux fixés sur Jésus, lui qui suscite la foi, et qui l'amène à la perfection. Qui dit amen? Ayons les yeux fixés sur Jésus. C'est lui Jésus-Christ qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. La foi ne vient pas de Branham, ne vient pas de frère David, ne vient pas de frère Boubou, ne vient pas de frère Franck, ne vient pas de frère Levi, ne vient pas de frère Joseph Kulman. La foi ne vient d'aucun de ces hommes-là. C'est Christ Jésus. Jésus, Alors s'il vous plaît, ne les négligez pas. Ne sous-estimez pas votre relation avec lui. Quelle que soit votre relation avec votre foi. Sachez que la foi ne vient pas du péché. Vous voulez avoir la foi que Dieu a créée. Vous avez les relations avec le pasteur. Mais vous n'aurez pas la foi. La foi authentique viendra de votre relation personnelle avec ce Jésus-Christ. L'homme de Nazareth, l'homme de Galilée, le même hier, ton cœur doit l'expérimenter. Dites amen. Si vous n'avez pas de relation avec lui, que les musulmans n'aiment pas appeler Mahomet. Oh, Mahomet, il donne pas la foi aux gens. Il a vos espérances en lui. Vous allez favorablement le vous ne vous donne pas la foi. Et vous William Marion Branham. Allez témoigner. Nous fondons de fond nos espérances sur nos espérances. Question. Moutouna. Moi, poser une question ici. Moutouna, wa. Le prophète étant la bouche de Dieu. Mais le prophète n'est pas la bouche de Dieu. C'est écrit où? Oui. Le prophète étant la bouche de Dieu. C'est écrit où ça? Et comment nous appuyons? Oh, attention. Ok, bah. Le prophète étant la bouche de Dieu, comment peut-il dire quelque chose et Dieu n'arrive pas à confirmer ce que son prophète a dit? Merci pour la question. Mais il est un porte-parole de Dieu. Dieu a sa bouche. Dieu est un être. Mais il envoie plusieurs prophètes. Il peut utiliser comme porte-parole. Porteur de sa parole. Mais lui, il a sa bouche à lui. La bouche de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Et c'est de la bouche de Dieu que le prophète reçoit les messages. Et il doit les transmettre ce qu'il a entendu. Mais lui, le prophète, n'est pas la bouche de Dieu. Sinon, alors, l'Éternel a pris sa bouche. Il change d'âge à l'âge. Voilà. Je sais que c'est préoccupant pour plusieurs. Vous devrez avoir ces standards. Il a répété comme de bons perroquets. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est écrit Et comment tu as fait? C'est devenu populaire, les gens croient ça comme ça. Et comment va-t-il être dans le monde? C'est écrit où? Et comment tu as fait? Côté parenthèse, hein? J'espère que je ne veux pas sortir de notre sujet. Prenons une parenthèse à l'occasion de Jérémie 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, suivez, tu seras comme ma bouche. Non pas tu seras ma bouche. Et Dieu parlera à un prophète confirmé. Il dit, tu seras comme ma bouche. Non pas tu seras ma bouche. Mais ça n'est pas la vérité. Tu seras comme ma bouche. Tu vas répéter ce que ma bouche t'aura dit. Alors à ce moment-là, tu es comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Yahweh a le dit pour eux, soko au kobuta, na koye sao lisusu, pe au kotelema libosona ngai, pe soko au kolongola oye ya malamu longwa na mabe, au kojala lokola monokona ngai. Zika eke babuta epai na yo, kasi yo, zonga epai na bangote. Dieu a parlé là de sa bouche. Et au même prophète Jérémie, il a dit ceci. Oh là là. Jérémie, chapitre 1er, verset 7. Oh, il dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis enfant, car tu iras vers tous auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 9. Ok, tu le diras, c'est important. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha quoi? Ici, le prophète Jérémie a sa bouche à lui. Ah, ouais, moi, ça et lui, il est confiant d'avoir sa bouche à lui. Ah, ben, et il a mis la main de Dieu toucher cette bouche. Ah, il n'était pas la bouche de Dieu, mais la bouche de Jérémie. Et ensuite, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Bongo yawe, assembola ki loboko na yempe, akamati monokona ngai. Yahweh aloba kimpe na ngai yeti. Tala na ti maloba na ngai kati na monoko na yo. Jérémie a témoigné avoir sa bouche à lui. Et Dieu aussi a reconnu sa bouche de Jérémie. Et le même Dieu a distingué la bouche de Jérémie avec sa bouche à lui. Est-ce que c'est précis? Je mets mes paroles dans ta bouche. Et si tu distingues ce qui est vil de ce qui est vil, alors tu seras comme ma bouche. Et je mets mes paroles à moi dans ta bouche à toi. Il s'agit de débouchés de toi. On n'est pas confondre. Au nom de Babylone la grande. Au nom de la religion catholique universelle. Mais on n'est rien de tout ça. Et c'est chaque chose à sa place. Quand nous distinguons, c'est ce qui vous met dans une position où vous pouvez tout exagérer. Ne pas confondre la parole de l'homme avec la parole de Dieu. L'homme peut parler et dire ses choses. Il peut parler par la même bouche. Lorsque Michel est allé devant le roi Josaphat, et qu'on lui a demandé s'il devait aller à Ramoth-Angala, pour Thomas, Michel a approuvé qu'il avait sa bouche à lui. Et il a clairement dit, allez-y, vous aurez la vie. Et c'est Dieu qui a parlé. Michel était la bouche de Dieu là. Mais maintenant, Josaphat est un homme spirituel. Combien de fois t'aimes de nous dire la parole de l'Éternel. Attendez un moment. Là, il est allé rapporter ce que la vision céleste lui a dit. Je voyais l'Éternel. Et l'Éternel dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Pour aller séduire la carte. C'est lui qui a dit ça, c'était Michel. Dans la vision de Michel. Qui était celui qui manipulait les lèvres et qui disait qui enverrai-je? Et c'est pas sorti de la bouche de qui? Et le prophète Michel n'a pas vu la scène. Et mon qui la scène reflétait une réalité. Et le réunion qui s'est tenu au ciel. Et Dieu a parlé dans cette réunion. Au ange l'encerclé. Et quand Dieu a utilisé sa bouche. Pour parler au ange. Michel qui l'était grâce à moi. Et quand il a parlé de vision. Il a entendu les paroles. Et ses propres oreilles. Et il est venu rapporter ça. De sorte que Josaphat a entendu ce que Josaphat, Dieu a béni au temps. Il parle la bouche de Michel. Et quand il a identifié ça, il a reconnu que c'est vrai. C'est la parole de l'Éternel. Il n'a plus commenté. Il s'est dit. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, le prophète n'est pas la bouche de Dieu. Mais il importe. Pour parler en son nom et de sa parole. C'est clair, n'est-ce pas? Nathan est allé voir David une fois. David lui a demandé. David a tenu. J'ai à cœur de bâtir la maison de l'Éternel. Et Nathan a prouvé qu'il avait sa bouche. Il n'était pas la bouche de l'Éternel. Nathan a dit quoi? Nathan a dit quoi? Oh, va, fais tout ce que tu as dans le cœur. Car l'Éternel est avec toi. Est-ce que ce que Nathan avait dit était faux? N'est-ce pas que c'est un témoignage vrai? Il a dit un enfant de Dieu. Mais attention. Ok, bah. Ça, ce n'était pas la parole du Seigneur. Pour David. Pour David. Nathan est retourné chez lui. Nathan est retourné la nuit, Dieu vient. Depuis quand? Dieu vient demander. Il utilise sa bouche pour Nathan qui est allé. Depuis quand? David qui a versé le sang. David a versé le sang. Va lui dire. Pour ce qui est de bâtir la maison, ça ne sera pas lui. Mais ce sera un fils sorti de son âme. Voyez-vous la différence? La bouche de Nathan a parlé. Et Dieu est venu contredit. Dieu n'a pas confirmé les paroles de Nathan. Mais regardez comment Dieu a fait. Pour ne pas humilier son prophète. Il a inspiré David a faire des préparatifs. Et quand David faisait les préparatifs, c'est tout ce qu'il avait dans le cœur. C'est ce que David avait dans le cœur. Avant de construire, il fallait rassembler les matériaux. Il avait cette inspiration. Et Dieu a honoré cette inspiration. Alors, les prophètes ne sont pas à confondre juste avec nous, tellement des canaux que Dieu utilise. Ils peuvent paraître commettre des erreurs, et Dieu corrige à certains endroits, mais des fois même les erreurs sont des leçons pour nous. Des fois, même les erreurs sont des leçons pour nous. Qui dit amen? Est-ce que vous réalisez ça? Même les erreurs sont des leçons. Il y a eu un prophète qui a commis une erreur. Hein? Ou dire des hommes. Hein? On lui a amené les deux enfants. De Joseph. Oui, à Joseph. Et Dans sa vieillesse, les yeux ne voyaient plus. Mais Dieu ne se répand pas de ses zones de ses appels. Il était le prophète de Dieu. Quand on lui amène les enfants, lui il a croisé les mains. On a amené le fils aîné du côté droit. De et le cadet du côté gauche. Mais au moment où il vient poser les mains, attends, pendant que tout était bien disposé, l'homme l'a orienté. L'esprit de Dieu a opéré autre chose. C'est que l'esprit a fait par ses mains. Et c'est une grosse erreur selon les coutumes et les usages. C'est une faute répréhensible. Et Zalaki Penza, le maître l'a mis comme ça. Il a pris la main droite. Il a mis sur Ephraïm. Et il a mis la main gauche sur Dan. L'aîné est privé de la bénédiction du droit de l'homme. Une faute grave dans la famille. Mais pourtant c'était une prophétie. Dieu de l'inspiration qui a utilisé cette voix choquante pour donner une prophétie choquante. Des fois les erreurs des prophètes sont des grandes messes. Alors n'allez pas confondre avec vous qui prenez votre Philippine. Oh le prophète là, il a commis des erreurs ici et puis là-bas. Parfois il y a des leçons derrière. Dieu ne laisse rien pour rien. Que Dieu nous aide à tirer les bonnes leçons. Êtes-vous là? C'est cela justement. Mais nous reposons notre confiance sur la confirmation de Dieu-même. Regardez par exemple les choses. Donc, l'apprenant parle ici. La restitution de l'arbre de la terre. Le 22 avril 1962. 22 avril 1962. La restitution de l'arbre. Je commence au paragraphe 283. Et je vais au paragraphe 286. La Bible dit que lorsque nous avons fait le mal, nous devrions purifier nos âmes par le Seigneur. Ça c'est vrai. La Bible dit. Je ferme la parenthèse de la bouche. Ouais, pensons. La Bible dit que lorsque nous avons fait le mal, nous devrions purifier nos âmes. Rentrez en vous-même. Et laissez le Saint-Esprit vous révéler. C'est qu'il ne va pas en vous. Et restez devant lui. Jusqu'à ce qu'il ait fait mourir cela en vous. Qu'il ait purgé votre âme. Êtes-vous disposé à ce genre d'exercice? Êtes-vous vraiment disposé à ce genre d'exercice chrétien? À le faire chaque jour? Montrez les doigts. Salisa, bataille sa maboko, bao babele, pour la bataille de l'amour. Le respect des bandits. Le colonel soit allé côté, car elle est bonne en Zambé. Le mal, il peut arriver. Pour que ça, la mabé, pour que ça, le mal, il peut commettre des erreurs. Pour que ça, ma bunga. Pour chérir toi, de bon, il connaît. Il ne fait rien de la colonne de bois. Il est une caméra, il faut qu'il y ait un peu de monde. Il faut qu'il y ait un peu de monde. Il faut qu'il y ait un peu de monde. Il faut qu'il y ait un peu de monde. Il faut qu'il y ait un peu de monde. Il faut qu'il y ait un peu de monde. Si cela est arrivé, que vous allez vous purifier. Restez devant Dieu jusqu'à ce qu'il ait purifié votre âme. Qu'il fasse mourir en vous tout ce qui est faux là. Ne dites pas seulement, il m'est arrivé de commettre une faute. Mais il faut tirer cette faute-là. Pour que ça ne se répète pas. Christ viendra lever une église. Sans tâche, rien de semblable. mais sainte et irréprochable. Si tu veux figurer dans ce nom, nettoie tes robes. Nettoie tes chambres. Nettoie ta vie devant Dieu. Chaque jour, à tout moment, faites-le aussi fréquemment. Mais, eux se sont détournés de cela. Les dénominationnels. Ils se sont détournés de cela. Ils nous offrent le purgatoire. Il y a une dénomination qui prône le purgatoire. Connaissez-vous cette dénomination-là? Elle existe autour de nous. Et parmi nous dans nos villes, dans nos quartiers. Et leur système, quand ils veulent s'implanter quelque part, ce n'est pas trop d'évangéliser d'abord. C'est de venir bâtir un édifice religieux. De collectionner les quelques fidèles qui sont dans le coin. Et à partir d'eux, à évangéliser en ayant un endroit où les gens se regroupent. Nous ne mettons pas le bâtiment avant les âmes. Il faut le salut des âmes. La Bible dit, après avoir évangélisé, et fait quelques disciples. L'évangélisation vient en avant. On ne vient pas avec des bâtiments. Oh, on a construit pour vous, venez prier. Prêcher la repentance. Voyez combien les gens croient. Ils se débarrassent du vieil homme. Ils veulent revêtir l'homme nouveau. Pour annoncer le royaume de Dieu qui est venu. Amen. Que Dieu nous aide comme ça. Eux se sont détournés de cela. Ils nous offrent le purgatoire. Et après votre mort, le prêtre reçoit une bonne somme d'argent pour vous sortir de là par ses prières. Donc vous êtes mort. Le prêtre exige l'argent. Et si l'argent ne vient pas, la messe n'aura pas lieu. Ça se passe comme ça. Il est caca le Sango a koya ko sala messe wana te. Il faut qu'on foute ma droit naï. Parfois, ça commence à 100 dollars. Quand vous voyez là, la messe autour des morts. Là, parfois, 100 dollars cash. Si la famille ne paye pas, le prêtre ne vient pas. Un jour, il y avait un deuil quelque part et un prêtre était tout agité. Nous, on ne savait pas pourquoi. Il y avait un de nôtres qui devait prêcher. Et le prêtre s'est agité dehors jusqu'à mobiliser les députés. Lui devait dire la messe. Et celui qui était mort n'était même pas un catholique. C'était un infidèle, presque un athée, qui ne croyait pas l'Église. À cause de l'argent qui lui avait été payé. Le prêtre s'est agité comme pas possible. On peut interrompre la bonne prédication de l'Église pour nous présenter une messe. On devait justifier l'argent reçu. Et Seigneur qui est balou banakina mais sur le bazaki. Miséricorde. Mawa. Voyez la récupération religieuse. Au moment où il y a qu'on va avoir quelle basambeli. La politique religieuse. On est allé beaucoup la kakati na basambeli. Quand l'âme était en vie, on ne s'occupait pas. Quand on va mourir zalaki na bon. Mais quand il est mort, on vient maintenant se ruer là-bas. Voyez qu'on s'engage là-bas. Les députés, les droits, les droits, les cultes. Voilà ma coquille à qu'on s'en a mayangali. Des nécromanciens. Voilà bato va ben da kamili mumadi. Des nécromanciens. Culte des morts et tout. C'est pitoyable. Nous prêchons l'évangile au monde entier. Nous Nous n'allons pas nous disputer les droits de prêcher. Ça nous a jamais été obligé de le faire. On peut avoir un deuil et ne pas prêcher. Y a-t-il un verset qui oblige de prêcher dans les deuils? On nous dit au contraire, pleurer avec ceux qui pleurent. Mais cette pratique-là, oh non, les pasteurs, c'est lui qui doit prêcher. Le fondement, c'est où dans la parole? Et les gens se font des chimères autour de ça, des problèmes. C'est la parole qui est. Vous m'a créé des problèmes. Revenez à la parole. Qu'on prêche ou pas, ça ne nous diminue en rien. Et qui dit ça, dit son côté. L'église doit dire amen. Soyez délivrés de ces croyants. Que nous prêchons ou pas. Ça ne nous diminue à rien. Oh mon Dieu, mais on confie vraiment pasteur dans la vérité. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez là. Mon Dieu, mais on confie vraiment mes pasteurs dans la vérité. Bon. C'est écrit où que c'est un péché grave. Où est-ce que Dieu a exigé cela? C'est un problème même. Soyez délivrés, frère. Vous sentez la lourdeur passer. À cause des coutumes. La coutume aussi, on est allé reprocher au prophète Jacob. Il a commis une erreur. Mais c'était une prophétie. Toutes choses concourent bien les séries avec Dieu. Dieu ne laisse rien pour rien. Soyons reconnaissants. Donc, yo zambu tu la bomoi, pasteur na soka ukaka matengo, yo kangote, mikolo musu, era na okilte te, eko koma mutu akaka ebemelali, pasteur na ko kawe so ateya. Li te o yo kutu yo kangote te. Mais soka salangote scandale. Faut-il prêcher aux vivants ou aux morts? C'est voté na batuna bomo tu na bakufi. Faut-il te prêcher à toi de ton vivant ou à tes morts? Faut-il te prêcher à toi de ton vivant ou à tes morts? Revenons à nous-mêmes. Allons nous purifier devant Dieu. Ordinement, toutes les illusions. Toutes les fausses conceptions des choses. Laisse-moi devenir un croyant à la manière de la parole. Comme Balaam a dit, comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Toi qui te fâches, est-ce que Dieu ne t'est pas irrité? Oh mon Dieu, mais à quoi plus pasteur n'est atéité? Est-ce que les hommes passent les gibos pasteur n'est atéité? Si Dieu s'est fâché qu'il nous le dise dans sa parole. Ok, les hommes passent les gibos avec la socate, mais nous voilà. Bah, tu me suis sûrement mené à ma vie, à ma vie. Bah, bon, gars, t'as côté, n'a pas tant à l'avant, quoi, y'a qu'on s'est poumonné côté, là, dans sa vie. Ah, ça, il m'a tout, il m'a gombi. Aïe, au gâté! C'est qu'il y a des menés côté à ma vie. C'est des fois plus direct comme ça. Bah, la motion, c'est d'aller en bas, la moto, pour le babongo. Bah, m'a soumise la ville. T'es gâté, quoi, t'as ma belle, la chimia? Non mais à vous ma belle. Dans le silence. Ma pinta. Que des fois, non, tant que ma tête, on me dit pas que c'est non, elle a toujours sur sa mambo. A quel côté qu'on a, alors qu'il se boye. Maintenant, on vous dit la vérité, vous ne supportez pas. Quand on ne prêche pas, on ne prêche pas, on ne saboté les deuils. Vous diminuez, ma saboté pas ça ici. Où se trouve l'exigence qu'on doit être là au deuil pour prêcher? Il n'y a pas. Dieu n'est pas fâché. Il n'y a rien pour se fâcher. Laissez les choses passer. Laissez les morts enterrer leurs morts. Nous ne devons pas être là à créer les problèmes. Il y a des choses plus importantes à faire. Pour le royaume de Dieu, vous allez se disputer autour de la carrière. Il y a des choses plus importantes à faire. Vous allez se tirailler autour de la carrière. Est-ce que cela aide quelqu'un? Il y a Coco là. Et d'avancer. On marche avec Dieu. Il n'y a rien qui nous oblige de prêcher à chaque dernier. Rien. C'est vrai. Solo. Alors, Bongo. Après votre mort, le prêtre reçoit une bonne somme d'argent pour vous sortir d'un purgatoire. Imaginez le coup par ses prières. Cela n'a aucun sens. Mais c'est cela qu'a fait le Jelek. Il vous fait sortir des purgatoires par des prières. Et si cela vous coûte tant de centaines de dollars, ça vous coûte, ça vous coûte tant de centaines de dollars. Et si vous voulez faire sortir cet âme de purgatoire, vous voyez, j'aimerais que vous me montriez où l'on peut trouver le mot purgatoire dans la Bible. Ou quelque chose de semblable. On ne trouve rien de tel dans la Bible. Mais eux vous envoient au purgatoire après votre mort. Et eux-mêmes, par leur fausse doctrine, ils vous envoient dans le purgatoire. Et encore eux-mêmes pour vous escroquer des sommes d'argent, vous demandez de payer pour que le prêtre vous fasse sortir du purgatoire. Et les 40 jours doivent être observés. Où est-ce que la Bible a prôné les 40 jours? Il faut que c'est la 40 jours. La Bible a mis cette exigence nulle part. On trouve encore des gens dans les assemblées du message. Ils observent encore les 40 jours. Bango bazali kolandela mikolo tukumi ne wana. Moto akufi bazo c'est les 40 jours pour tenir réunion de famille. Vous êtes des catholiques. On a vous avez un mot. Vous n'êtes jamais sorti vous là. Mais nous aussi vous bimater. L'histoire des 40 jours est diabolique. 40 jours après la mort, ça vient d'où ça? Et ça vient faire quoi pour les chrétiens? Nous les chrétiens, nous savons que si cette tente est détruite, il y en a une autre que Dieu réserve. La Bible n'a pas dit au bout de 40 jours. Tout ça parce qu'un certain moine a été raconté à un moment donné, et si quelqu'un est mort, et avant qu'on l'enterre, son esprit continue à sillonner sur la terre. Et une fois qu'on l'enterre, il faut compter 40 jours pour que son esprit se repose. C'est un moine qui a raconté les choses. Mais ça n'est pas la parole de Dieu, ça. Mais les gens ont avalé. Attends, comme il a amen. Amen. Donc 40 jours qu'on nous quitter. 40 jours nous quitter. Famille, on va nous quitter. 40 jours. 40 jours de vous dire. Miséricorde. C'est eux-mêmes qui inventent une fausse doctrine, même si il est mort, il doit aller dans les purgatoires, et le prêtre doit faire des prières pour faire sortir l'âme du défunt du purgatoire. Voilà, et ça vous coûte tant de centaines de dollars. J'aimerais que vous me montriez où l'on peut trouver le mot purgatoire dans la Bible. Ou quelque chose de semblable. On ne trouve rien de tel dans la Bible. Vous envoie au purgatoire après votre mort. Je sais bien ce qu'ils vous diront. Écoutez, Saint Boniface a dit ceci et cela. Saint Boniface, a tous les gens entendu quelque chose comme ça? Saint Boniface. C'est dans quel verset de la Bible, Saint Boniface? Hein, église? Saint Boniface, Moussa Lobaki. Ah! Peu importe ce qu'a dit Saint Boniface. Oh, mais un tel a dit. Pour son défunt mari, cette sœur sainte est celle là-bas. Peu importe ce qu'elle a dit. Ce n'est pas la parole authentique. Cela se pose aux apôtres. Ayant reçu l'autorité, Dieu a suscité ses apôtres pour mettre de l'ordre dans l'église. Et l'église est basée sur la doctrine des apôtres. Et non pas sur celle de Saint Boniface. Ou Saint ceci, Saint cela est contraire à la parole. Peu importe ce qu'on dit, Saint Boniface. Et les autres saints. Saint Sujit. Oh, Sujit, à moi aussi. Sainte Marie. et Malia et tous les autres. La Bible a dit que tout homme soit tenu pour manger. C'est la parole de Dieu que nous voulons dans nos âmes. La vérité de Dieu sort de la bouche de Dieu. Nous voulons la vérité authentique. Amen. Peu importe ce qu'on dit, c'est Boniface. Et les autres chrétiens. Sainte Suzy et Sainte Marie et tous les autres là, cela n'a pas de sens. Cela ne vaut pas plus que n'importe quel autre mensonge. Si c'est contraire à la parole, c'est mensonge. Écoutez maintenant la phrase phare ici. Je ne crois pas aux paroles non confirmées. Je voudrais que ce soit aussi ta position. Voilà. Gaïwana. Je ne crois pas aux paroles non confirmées. Même quand on dirait qu'elles viennent de Dieu. Il faut que Dieu confirme. Dans Jean chapitre 6. La Bible a dit ceci. Jean 6. Chapitre 6e. Le verset 63. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Molimo et Jalie Oyo a coupé sa carbone. Mosuni ezali na lisungi te. Maloba masini ngai koloba na bino majali na molimo te majali bomoi. Tala ezali kotalela solo na Nzambe. C'est l'esprit qui vivifie. Ezali molimo ezali kopesa bomoi. Dieu ne parle pas pour s'arrêter à dire. Nzambe alobaka obele te pona kosuka kana koloba. Dieu parle et il doit confirmer ce qu'il a dit. Koloba Seigneur ya ndimi sasini koloba. Il devra prouver ce qu'il a dit. Seigneur ya tali safandi misasini koloba. C'est la manière de notre évangile. Quand nous allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, la Bible dit cela au verset 5, 1 Thessaloniciens 1, verset 5, que nous dit cette sainte Bible ici, elle ne peut pas faillir. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. Mais avec puissance. Avec l'Esprit Saint. Et avec une pleine persuasion. Car vous n'irez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous. À cause donc l'évangile ne vient pas sous forme de discours théoriques. N'importe quel prêcheur peut prêcher n'importe quoi qu'il veut prêcher. N'importe quel bon parleur peut dire n'importe quoi. Ce qui importe pour l'église chrétienne, c'est la confirmation de Dieu. Si Dieu ne confirme pas, après ce que l'homme a dit ne vaut rien. Allons dans Deutéronome chapitre 18. Comme ceci est important de recevoir la confirmation. Deutéronome 18. Il est dit ceci. Verset 20 à 22. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je lui aurais point commandé de dire. Ou qui parlera au nom d'autres dieux. Ce prophète-là sera peut-être dira-t-il dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, ou n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dit. N'aie pas peur de lui. Qu'il soit prédicateur. Un témoin. Un prophète. Un pasteur. Un homme influent. Un bon parleur. Si ce que qu'il dit ne se confirme pas. Si Dieu ne confirme pas ce qu'il a dit. Alors c'était nous a suffi à parler. N'ayez pas peur de lui. Dans sa bouche, il ne s'est point trouvé la parole de Dieu. Mais nous avons besoin, comme la veuve de Saint-Esprit, d'avoir en face de nous des hommes de Dieu, qui soient des portes de parole de Dieu, qui fidèles que fidèles, pour ne dire que ce que Dieu a dit. Il n'a rien changé de ce que Dieu a dit. Et quand nous entendrons, nous les entendons dire ce que Dieu a dit, nous puissions identifier la vérité et dire comme la veuve de Sarepta, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu dans ta bouche à toi est la vérité. Pouvons-nous lire? Ça, il faut une expérience. Entendre l'homme parler, voir Dieu confirmer. Donc, pas seulement une fois, mais que ça vienne fréquemment. Il se confirme la parole. Un roi 17. Un roi chapitre 17. Nous pouvons prendre versets 22 à 24. L'Éternel écouta la voix de lui, et l'âme de l'enfant revint au dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. Yahweh ayokaki mongongo na Elia, pe molimo na mwana ebutaki yempe abikaki. Dans notre évangile, Dieu répond aux prières. Nous ne pouvons pas vous assommer de toujours croire, vous êtes incrédules, tant que vous nous voyez à travers nous la réponse de Dieu à nos prières. Même les requêtes que vous nous soumettez, il faut que quand nous nous prions, Dieu répond. Nous, si nous sommes à la requête, nous sommes à 250 requêtes. Ici, c'est Zaté. Réponse est Zaté. Zambé Olto Peyaka. Il est la résurrection et la vie. Il est celui qui veille et qui répand. Il faut que cela se confirme. Êtes-vous témoin? Que Dieu réponde. Zambé Ayanola. Ce qui était toujours Zambé Moukwa. Koufa! À quoi ça sert alors? Il tombe à l'île pour la vie. Ici, il y avait un cas et Dieu a répondu. Ah, ouais, les cas, et quand il y aura des cas, il faut que Dieu réponde. Quand vous parlez de votre cas, il faut que Dieu réponde. Vino, kati, vino, Dieu